me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qui aurait envisagé qu'au mot migrant serait accolé le terme de crise ? Qui aurait pensé que la mer Méditerranée deviendrait aujourd'hui un abîme de tragédies quotidiennes, le passage de tous les périls et de toutes les cruautés pour ceux qui fuient les guerres et les misères de leur pays, un tombeau qui s'étend sur tous les rivages où les statistiques, le nombre de naufragés et de morts sont vertigineux. Ces chiffres, incarnant les crises qui nous touchent gravement, s'envolent, laissant témoins, institutionnels, communautés locales et internationales désemparées, en plein contexte de montée des périls politiques et géopolitiques. Ces chiffres se sont aussi cités par Baudouin S. Chappaz dans Le Point, reprenant un rapport publié en juin 2016 par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, HCR, et je cite « Les conflits ont poussé en 2015 plus de 65 millions de personnes sur les routes ». C'est la première fois depuis la création du HCR en 1950 que le seuil de 60 millions est franchi. Comme l'exprimait le commissaire européen à l'immigration Dimitris Avramopoulos, l'Europe fait face à la pire crise de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour le colloque de la rentrée 2016, le Collège de France a invité ses professeurs et des chercheurs extérieurs issus de domaines différents sur la question des déracinements. Dans une approche interdisciplinaire, Cineira et Studio et sur le long terme, nous vous invitons à écouter ces jours-ci les contributions qui ont été données lors de ce grand colloque intitulé « Migration, réfugiés, exil ». Le comité scientifique, sous la responsabilité de l'historien Patrick Boucheron, a défini ainsi les enjeux de cette rencontre et je cite le texte de présentation. Depuis l'été 2015, l'afflux massif des réfugiés quittant le Moyen-Orient est généralement présenté dans le débat public comme une crise des migrants qui mettrait à l'épreuve les défenses sécuritaires de l'Europe. On pourrait, à l'inverse, défendre l'idée que ce défi humanitaire place les réfugiés face à la crise de l'Europe. Elle interroge non seulement l'universalité des droits de l'homme, mais l'histoire même des rapports des sociétés aux grandes vagues migratoires qui les constituent. Le texte poursuit. Au-delà du modèle diffusionniste qui eut longtemps cours dans l'archéologie des migrations, le colloque questionnera les effets des contacts entre migrants et sociétés, abordant tour à tour les notions de diaspora, de colonisation, d'asile et de refuge. L'Europe s'est aussi construite, rappelle le comité scientifique, comme une communauté ouverte de destin et de savoir, la figure de l'exilé nous mettant au défi de redonner du sens aux valeurs philosophiques de l'hospitalité. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour la matinée du 13 octobre 2016, consacrée à la question des mouvements et des hommes. Vous entendrez d'abord le mot d'accueil d'Alain Prochian, administrateur du Collège de France, puis le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin, professeur invité au Collège de France, nous montrera comment depuis les temps les plus reculés, nous sommes tous des immigrés africains et même les néandertaliens, hominines, eurasiatiques avaient des ancêtres africains. Il présentera 2 millions d'années de migration, dispersion, il nous expliquera l'importance de ce mot, et de remplacement. Après cette première partie préhistorique, nous rejoindrons la Mésopotamie dans la première moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, Avec l'assyriologue Dominique Charpin, professeur au Collège de France, il se demandera comment le mur des Amorites à Sumer a pu être le premier exemple de mur anti-migrant. Mesdames et messieurs, le conseil d'administration du Collège de France a pris la décision il y a un an de tenir son colloque de rentrée sur le thème très large, affiné depuis, du déracinement. Je suis conscient des différences entre les sensibilités politiques des uns et des autres, mais il est des thèmes qui traversent ces nécessaires clivages. Celui du colloque 2016 en fait partie. Chacun le sait désormais. Les événements que nous programmons, grandes conférences, concerts, colloques de rentrée, sont organisés avec le soutien de la Fondation Hugo, que je tiens à remercier. Je n'oublie pas évidemment les équipes du Collège, qui œuvrent sans relâche pour que le Collège de France accomplisse son devoir d'hospitalité. Merci à tous, puisque je ne peux citer chacun. J'ai pensé qu'il pouvait être intéressant de remettre dans une perspective de temps très, très profonde, 2 millions d'années, cette question des déplacements de population et singulièrement des déplacements de population entre le continent africain et l'Europe. Et je vais essayer, dans un temps très court, de résumer une très longue histoire qui est, vous allez le voir, compliquée, mais qui comporte effectivement beaucoup de migrations et aussi beaucoup de dispersions. J'ai voulu ajouter ce terme dans le titre de ma présentation, car en fait, des migrations délibérées apparaissent surtout à la fin des temps préhistoriques, avec le développement de l'agriculture. Mais auparavant, ce à quoi on a affaire, c'est généralement des dispersions de populations à l'intérieur d'une niche éco-géographique, d'un certain domaine que ces formes archaïques peuvent exploiter. Il est aujourd'hui sur Terre une seule espèce humaine, cet Homo sapiens, mais elle a été précédée par un très grand nombre de formes. Mais en tout cas, elles sont sur le plan phénotypique, sur le plan de la morphologie, assez distinctes les unes des autres et souvent adaptées à des exploitations du milieu qui sont un petit peu différentes. La plus grande partie de cette histoire, depuis plus de 7 millions d'années jusqu'à environ 2 millions d'années, se déroule entièrement en Afrique. Et l'homme et ses prédécesseurs sont des primates adaptés à la vie dans un milieu tropical pendant très longtemps. Et ça n'est qu'assez tardivement, et je dirais laborieusement, que les hominines ont pu coloniser les moyennes latitudes de la planète et, beaucoup plus tard, les hautes latitudes. Cette situation exceptionnelle à l'échelle des temps géologiques, une seule espèce qui a colonisé toute la planète, en réalité, s'est déjà produite dans le passé. Et si on remonte autour d'il y a environ 1,2 million d'années, on trouve une espèce qui s'appelle Homo erectus, et qui est une espèce qui a réussi un modèle adaptatif extrêmement efficace et qui a, à un moment donné, supplanté toutes les autres formes d'hominines qui existaient sur le continent africain. Et cette espèce Homo erectus, c'est une espèce qui, pour la première fois, va quitter le continent africain. C'est une forme qui est assez primitive. Elle a un cerveau qui fait encore moins de la moitié de la taille d'un cerveau d'homme moderne. Elle a aussi un mode de croissance et de développement qui est plus proche de celui des grands singes que celui des hommes actuels. Mais, d'autre part, elle réalise un modèle à la fois sur le plan morphologique, anatomique et sur le plan du comportement, qui l'a fait considérer par la plupart des spécialistes comme, dans le fond, la première forme humaine véritable, le premier homme. Et cet homme, il a des proportions corporelles assez proches de celles d'un homme actuel. Il se distingue des australopithèques qui ont précédé. C'est un bipède extrêmement efficace qui non seulement est adapté à la marche sur de longues distances, mais aussi à la course, et on connaît un très grand nombre d'empreintes de pas de cet homme, et cette empreinte de pas qui date d'un million et demi d'années, qui a été découverte en Afrique de l'Est, c'est une empreinte de pas qui est identique à l'empreinte de pas que vous laissez sur la plage, sur le sable mouillé. Je parlais d'un modèle adaptatif nouveau. Ce modèle adaptatif, en fait, sa description tient en peu de mots. C'est d'abord une libération totale des arbres. Ce sont des formes qui évoluent dans un milieu complètement ouvert. Et c'est aussi une adaptation à la prédation. L'homme, c'est un primate carnivore, c'est un primate chasseur, et cette prédation, elle se développe autour de 2 millions d'années en Afrique. On commence à trouver des sites archéologiques qui recèlent des milliers de fragments osseux qui ont été concassés pour en extraire la moelle, qui portent des traces de découpe, et un outillage lithique qui se développe de façon considérable à cette époque-là. Et donc cet homme, cet Homo erectus, c'est un homme qui peut se déplacer sur de grands territoires et qui, grâce à son mode d'exploitation de l'environnement, va pouvoir, d'une certaine façon, se libérer d'un certain nombre de conditions du milieu et pénétrer hors d'Afrique, dans le sud de l'Eurasie. Alors très longtemps, les hominines ne vont pouvoir occuper que les zones les plus chaudes de l'Eurasie, et de façon assez spectaculaire, on observe que les sites les plus anciens en Eurasie dans lesquels on trouve ces Homo erectus et leurs industries sont des sites qui s'alignent sur le 40e degré de latitude nord, et ça n'est que de façon assez sporadique qu'ils vont pouvoir pénétrer plus au nord, peut-être de façon saisonnière et aussi au gré de fluctuations climatiques. Je vais vous montrer un petit peu comment ces fluctuations ont pu influencer cette dispersion. Et en tout cas, ces latitudes qui sont au-dessus du 40e parallèle ne sont occupées que de façon très inconstante. Cette dispersion des hominines sur de très très grandes distances géographiques, combinée à un climat qui varie de façon considérable au cours, disons, du dernier million d'années, avec une alternance dans les moyennes latitudes de cycles glaciaires et interglaciaires, va aboutir à la formation d'un certain nombre d'entités biologiques. Alors on peut les appeler des espèces, on peut les appeler des dèmes, en tout cas de formes qui sont assez différentes les unes des autres dans différentes régions géographiques à cause de l'isolement génétique, de la distance qui sépare ces groupes, et puis aussi de conditions démographiques et de conditions de milieu qui accélèrent les phénomènes de dérive génique et les pressions de sélection de façon alternative. On a un grand groupe qui se développe en Eurasie, avec deux branches, les Néandertaliens dans l'ouest de l'Eurasie, spécialement en Europe, un groupe nouveau qui a été découvert récemment en Asie, qu'on appelle les Denisoviens, et puis c'est en Afrique que l'histoire va se poursuivre avec l'émergence de notre propre espèce. Ce qui est absolument remarquable, quand on regarde toutes ces formes qui se développent pendant le Pléistocène moyen, au cours des derniers 800 000 ans, c'est le fait que, de façon parallèle, elles réalisent des adaptations comparables, et en particulier, on voit de façon séparée, chez les Néandertaliens et chez les hommes modernes, en tout cas chez les ancêtres des hommes modernes, on voit la taille du cerveau augmenter de façon assez spectaculaire. Ce coefficient d'encéphalisation ne représente pas la taille du cerveau dans l'absolu, mais la taille du cerveau rapportée à la masse corporelle. Et dans le fond, Si on regarde ce qui s'est passé au cours du dernier million et demi d'années, eh bien, il y a une très longue période de stagnation où la taille du cerveau augmente, mais elle augmente essentiellement parce qu'il y a une augmentation de la taille corporelle chez tous ces hominides. Et le cerveau grandit énormément indépendamment de la masse corporelle, surtout au cours du dernier demi-million d'années, justement quand on a cette séparation entre néandertaliens, Homo sapiens et Denisoviens. Alors en Afrique, va émerger au cours des derniers 300 000 ans des formes que l'on assigne à notre espèce, Homo sapiens, et sont des formes qui possèdent encore des caractères assez primitifs, en particulier en ce qui concerne la boîte crânienne et le cerveau. Je vous ai dit que le cerveau allait continuer à évoluer de façon considérable pendant les dernières centaines de milliers d'années, mais ces hommes possèdent déjà une morphologie faciale qui est une morphologie faciale qui est presque identique à la nôtre. Donc cet homme de Djebel Iroud au Maroc, son crâne a l'air assez impressionnant, mais c'est une face que vous pourriez croiser dans la rue aujourd'hui. Quand je dis ça, les gens me disent « dans le métro, on croise toutes sortes de gens ». Mais vous pourriez croiser une face comme celle-là. Elle est pratiquement indiscernable de ce qu'on trouve chez les hommes actuels et très différente de ce qu'on trouve chez les néandertaliens. Et donc, vous voyez qu'on a des arguments paléontologiques pour enraciner notre espèce au sein du continent africain. Alors ces arguments paléontologiques, ils sont complétés par de nombreux autres arguments que je n'ai pas le temps de vous exposer, mais singulièrement des arguments d'ordre génétique. Et ces arguments d'ordre génétique, ils ont commencé à être développés à la fin des années 80. Ils ont d'abord porté sur les résultats de l'analyse de l'ADN mitochondrial. Cet ADN mitochondrial, c'est un ADN extrêmement simple, ça n'est pas l'ADN de vos chromosomes, c'est l'ADN qui est contenu dans des petites organites cellulaires qu'on appelle les mitochondries. Et cet ADN a l'avantage d'être très simple, d'être très abondant, de se transmettre sans recombinaison d'une génération à l'autre, et il est transmis uniquement par les femmes, c'est-à-dire les mères les transmettent leur ADN mitochondrial à leurs enfants. Et donc on peut assez facilement reconstituer un arbre phylogénétique de toutes les variétés de cet ADN mitochondrial qui existe aujourd'hui sur la planète dans différentes populations. Et lorsque l'on reconstitue cet arbre, eh bien, ce que l'on observe, c'est que les formes les plus anciennes de cet ADN mitochondrial, celles au sein desquelles s'enracinent toutes les variétés les plus récentes, eh bien, ce sont des lignées que l'on trouve exclusivement en Afrique. Et toutes les lignées, tous les haplotypes qui sont connus hors d'Afrique, dans le fond, représentent une branche de cet arbre très compliqué qui s'enracine en Afrique. Et la conclusion de ce genre d'étude, c'est que, dans le fond, l'humanité moderne existant hors d'Afrique, c'est une espèce de branches d'un arbre qui est enraciné dans le jardin africain et qui est, en quelque sorte, passé au-dessus du mur et qui s'est développé dans le jardin des voisins. Cette structure-là, on la trouve pour le chromosome Y, qui lui est transmis par les hommes, et puis toutes les études qui ont été menées sur l'ADN nucléaire dans sa totalité, eh bien, depuis maintenant une vingtaine d'années, confirme absolument cette structure. Les désaccords entre les spécialistes portent uniquement sur en fait l'historique du déploiement de ces différentes lignées, mais l'enracinement africain ne fait aucun doute. Cet haplotype L3 qui est connu en Afrique et qui est à la racine de tous les haplotypes connus hors d'Afrique, quand on essaie de localiser son point d'origine en Afrique, eh bien, vous voyez que on se concentre sur un petit coin d'Afrique qui est l'Afrique de l'Est. Et l'Afrique de l'Est est souvent regardée comme la zone d'origine de tous les hommes modernes. Alors, c'est une question qui est assez débattue. Il y a des arguments génétiques qui prêchent plutôt en faveur de l'Afrique du Sud. En général, c'est toujours l'Afrique subsaharienne qui est regardée comme la zone d'origine de l'humanité moderne. Le problème de ces études génétiques, évidemment, c'est qu'elles n'ont pas accès au génome de populations de chasseurs-cueilleurs qui ont peuplé autrefois les zones sahariennes et l'Afrique du Nord et qui ont été remplacées récemment au cours de la préhistoire. Et donc, il est fort possible que dans ces régions-là aient existé, je veux dire au nord du Sahara, des populations comparables à celles des San actuels d'Afrique du Sud ou des Hadza de l'Afrique de l'Est. Parallèlement à cette émergence de l'homme moderne, eh bien, on voit aussi des changements sur le plan comportemental, sur le plan technique se produire. Et toujours en Afrique subsaharienne, on voit se développer des technologies tout à fait nouvelles, avec notamment le développement d'armes de jet pour tuer à grande distance. Et puis surtout, on voit se développer les premières représentations symboliques, des formes géométriques assez simples, gravées sur des blocs d'ocre, comme à Blombos, par exemple, en Afrique du Sud. Et surtout, on voit pour la première fois apparaître des objets de parure qui sont des coquillages percés. Alors, ces coquillages percés sont pas très spectaculaires comme objets, mais ils signifient quelque chose de très important, c'est que ces hommes ont déjà une tradition de représentation symbolique du statut, à la fois des individus, peut-être des groupes, et ce développement des objets de parure, on le pense, est lié à l'existence de réseaux sociaux beaucoup plus complexes que ce qui a pu exister auparavant au cours de l'évolution humaine. Alors, quand on zoome un petit peu en dehors de l'Afrique du Sud, eh bien, on se rend compte qu'en fait, à l'échelle de tout le continent africain, on observe une évolution similaire, et notamment en Afrique du Nord, dans des régions où mon équipe travaille, eh bien, on a des productions d'armes et d'outils qui ressemblent beaucoup, en fait, à ce que l'on trouve en Afrique du Sud, des objets en os, l'utilisation de pigments colorés, et surtout, et cela c'est absolument extraordinaire, on retrouve au Maroc les mêmes objets de parure. Et quand je dis les mêmes, je ne veux pas dire simplement des coquillages percés qui sont utilisés pour produire des signaux qui ont une signification sociale, mais le même genre de mollusques. Hein. Donc il faut bien se rendre compte que ces coquillages de gastéropodes du genre Nassarius qu'on trouve sur les plages, eh bien, sont des coquillages qu'on trouve au milieu de tas d'autres espèces de gastéropodes et de lamellibranches le long des plages. Et c'est assez fascinant de voir qu'à l'échelle d'un continent comme l'Afrique, on a ce même comportement qui s'est développé autour, disons, d'il y a une centaine de milliers d'années. Et cela, ça suppose des échanges, la diffusion d'innovations, la diffusion de traditions à une échelle transcontinentale qui est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Alors, cette diffusion, elle est facilitée par le fait que il y a des changements environnementaux très importants qui se produisent pendant toute cette époque-là. Et en particulier, on a des périodes humides pendant lesquelles le Sahara disparaît pratiquement complètement, avec des lacs dont certains font la taille de l'Allemagne actuelle, des fleuves qui courent au travers du Sahara vers la Méditerranée et des faunes de grands mammifères qui sont exploitées par les chasseurs-cueilleurs de cette période-là. On a identifié un certain nombre de phases de Sahara vert et en particulier, on en a identifié une qui date d'environ 120 000 ans. Et c'est probablement cette phase de Sahara vert qui va permettre l'expansion de ces hommes modernes qui commencent à nous ressembler beaucoup hors d'Afrique, au Proche-Orient. Et on a, vers cette époque-là, des outillages qui sont connus en Arabie Saoudite, en Oman, le long de la mer Rouge, qui, dans le fond, rappellent énormément ce qu'on connaît à l'époque en Afrique. Et donc, on sait déjà que vers cette époque, on a déjà probablement des hommes modernes qui ont posé le pied hors d'Afrique. Alors ces hommes modernes, anatomiquement, enfin leurs ossements, on ne les connaît pas dans toute cette péninsule arabique. On les connaît en Israël, donc dans le sud du Levant, toujours vers la même époque. Et ces hommes qui commencent à nous ressembler énormément, eh bien, ont des comportements qui ressemblent à ceux des Néandertaliens en termes de production d'outillage lithique, mais qui deviennent très complexes avec des sépultures qui sont des sépultures comme celles de Kavzé qui sont assez complexes avec des sépultures doubles, des sépultures d'enfants dans lesquelles on a des offrandes, et on va retrouver encore et encore ces objets de parure qui ont été identifiés d'abord en Afrique du Sud, ensuite en Afrique du Nord, et qui suivent ces hommes au Proche-Orient, et c'est toujours ce genre de gastéropode qui s'appelle Nassarius, qui semble avoir une grande importance pour ces premiers hommes modernes hors d'Afrique. La dispersion ensuite des hommes modernes sur le reste de la planète va se précipiter. On va avoir une colonisation du sud de l'Eurasie vers l'Australie qui est atteinte il y a environ 50 000 ans. L'Europe, si je peux dire, va résister un peu plus longtemps, probablement parce que les populations néandertaliennes sont assez nombreuses et bien adaptées. Et puis surtout, autour de du dernier maximum glaciaire, les hommes vont pouvoir pénétrer dans le nord de l'Asie et finalement, à travers le détroit de Bering, passer dans les Amériques. Alors cette expansion de ces hommes modernes, elle se fait au détriment d'autres formes humaines. La fin de l'histoire est quand même un petit peu triste, si je peux dire. Je vous ai expliqué au début de mon exposé que nous étions une espèce orpheline. Nous n'avons plus de cousins sur Terre comme les Néandertaliens ou les Denisoviens. Cette expansion des hommes modernes, eh bien, ça n'est pas un remplacement total des populations locales, c'est en partie une assimilation. Et on a des échanges géniques, de l'hybridation, un petit peu comme ce qu'on observe entre les ours blancs et puis les grizzlies, ou des formes d'éléphants ou de chevaux, de zèbres, pléistocène. On a des échanges géniques entre tous ces groupes qui sont étudiés de mieux en mieux, puisqu'on a accès au génome des Néandertaliens maintenant. Et donc, nous portons tous à peu près 2% en moyenne d'ADN néandertalien. Ça ne change pas beaucoup notre apparence, notre biologie, mais enfin, il faut le savoir. Donc, on a un tout petit peu d'assimilation, d'absorption de ces Néandertaliens. Mais enfin, au final, on a quand même une extinction de ces groupes et un remplacement. Alors, on se pose énormément de questions sur le pourquoi de ce remplacement. On a identifié toute une série de mutations chez l'homme moderne qui sont présentes chez tous les hommes modernes, partout sur Terre, donc qui doivent probablement avoir un grand avantage sélectif. Quelle que soit l'histoire de ces mutations, elles se sont fixées dans toutes les populations modernes. Elles sont absentes du génome des Néandertaliens et des Denisoviens. Et certaines d'entre elles affectent le développement du cerveau ou son fonctionnement, encore qu'il y ait beaucoup à dire sur l'expression de ces gènes et surtout sur la nature du phénotype néandertalien ou denisovien. On a imaginé énormément de raisons pour lesquelles les hommes modernes ont pris le dessus sur ces populations archaïques. Probablement qu'une des raisons principales, c'est leur capacité, au-delà de ces coquillages percés qu'ils transportaient avec eux, c'est de produire de plus en plus de symboles, de signes, de codes qui sont totalement absents des populations néandertaliennes qui les ont précédées. Et toutes ces représentations sont certainement, dans le fond, la manifestation de croyances partagée entre tous ces groupes. Et ces croyances, eh bien, sont les fondations de réseaux sociaux extrêmement étendus. Et ce sont ces réseaux sociaux très étendus qui probablement expliquent leur supériorité. Alors on connaît de mieux en mieux, en tout cas pour l'Europe, l'histoire de ces des différentes populations qui se sont séparées et ensuite parfois mélangées pour donner les Européens actuels. Au cours de cette évolution récente, disons des derniers 40 000 ans, on a une baisse constante de la part d'ADN néandertalien que nous avions absorbé au départ, hein, 4%, quelque chose comme ça, parce qu'il y a une sélection négative d'une partie de cet ADN. Et on en arrive, à la fin de la dernière glaciation, à des hommes qui sont pratiquement comme vous et moi. Ils ont fixé un certain nombre de gènes qu'ils ont hérités des Néandertaliens et qui leur donnent des avantages locaux dans l'environnement européen, en particulier des gènes qui sont liés au système immunitaire. Mais à côté de ça, ils ont aussi développé leurs propres mutations pour s'adapter à cet environnement. Alors, ce sont des adaptations qui sont liées d'abord essentiellement à l'immunité, ensuite à l'adaptation au climat. Et une des adaptations les plus spectaculaires, qui est un peu cosmétique, mais qui est très visible, eh bien, c'est la couleur de la peau. Et ces hommes, ces Africains qui sont arrivés en Eurasie et qui étaient de couleur foncée, eh bien, vont progressivement acquérir une couleur beaucoup plus claire, une couleur de peau beaucoup plus claire. Le début de ce processus date d'il y a environ 30 000 ans. Mais on a découvert très récemment, il y a seulement 2-3 ans, deux ou trois restes d'hommes du mésolithique européen sur lesquels on a pu extraire suffisamment d'ADN pour justement aller vérifier la couleur de la peau de ces hommes. Ça a été une très très grande surprise de voir qu'il y a encore 7000 ans, donc à la veille du néolithique, eh bien les chasseurs-cueilleurs qui vivaient ici en Espagne, bien, c'était des chasseurs-cueilleurs qui avaient encore, sur les trois haplotypes qui conditionnent la couleur claire de la peau chez les Européens actuels, avaient encore deux de ces haplotypes qui étaient sous la forme primitive. Et alors, vous me direz, c'est l'Espagne, c'est très ensoleillé. On en a un qui est au Luxembourg et qui, lui, était encore plus foncé, avec déjà des yeux clairs, mais une peau qui était probablement, qui ressemblait beaucoup à celle des Africains actuels. Donc voilà, la conclusion de tout ça, eh bien, c'est que nous sommes tous des immigrés africains, et même les véritables Européens, les Néandertaliens, que nous avons remplacés, eh bien, eux-mêmes avaient déjà des ancêtres africains. Je vous remercie pour votre attention. D'entendre le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin et tout de suite voici l'assyriologue Dominique Charpin pour le colloque Migration, Réfugiés, Exil au Collège de France le 13 octobre 2016. À mesure qu'on remonte dans le temps, la documentation devient de moins en moins abondante et de ce fait, les débuts demeurent par nature mal connus. Tel est bien le problème que pose l'événement auquel je voudrais consacrer ma communication. Au tournant de la fin du 3e et du début du 2e millénaire avant notre ère, qu'on a coutume de décrire sous le nom de migrations amorites. Comme vous pouvez le constater, je donne à ma communication un titre plus précis que celui que j'avais proposé il y a quelques mois et qui figure dans le programme, car il se trouve que l'assyriologue peut directement contribuer au débat actuel qui touche à la construction de murs anti-migrants. Le point de départ de l'enquête est constitué par ce que les spécialistes appellent des noms d'années. Il s'agit d'un système de datation dans lequel, au lieu de numéroter les années de règne d'un souverain, on les désignait par une formule qui commémorait un événement de l'année qui s'était écoulé. Des listes étaient tenues à jour régulièrement par les scribes qui permettaient de retrouver la séquence chronologique de ces noms d'années. Or, le roi d'Ur, Shulgi, désigna sa 37e année de règne, 2056 avant notre ère, par cette formule, année où le roi Shulgi a bâti le mur du pays. La construction de ce mur dénote manifestement la volonté de protéger le pays de Sumer par rapport à une menace extérieure. Un quart de siècle plus tard, Shushin, petit-fils et deuxième successeur de Shulgi, commémora une action semblable dans le nom de sa quatrième année, donc en 2032. Cette formule a parfois été écrite par les scribes de manière abrégée, année où le mur des Amorites a été bâti, mais d'autres scribes notèrent une formulation plus longue, année où Shushin, roi d'Ur, bâtit le mur des Amorites, nommé qui éloigne les Dithnoum. Les murs, en effet, recevaient, comme les temples, comme les statues et bien d'autres réalités, des noms propres. Qui étaient donc ces Amorites auxquels appartenaient les membres de la tribu des Dithnoum? Une inscription du même roi Shushin, brosse 2, un portrait peu flatteur. Alors, les Amorites, un peuple destructeur aux instincts bestiaux, tels des loups qui, peut-être, attaquent les enclos à moutons, peuple qui ignore la culture du grain. Et puis, malheureusement, le manuscrit est ensuite lacunaire, mais on voit clairement que deux caractéristiques principales de ces Amorites sont ici décrites. Il s'agissait d'éleveurs nomades, qui sont définis négativement par le fait qu'ils ignorent l'agriculture, et c'était des prédateurs. On retrouve ici un écho du classique antagonisme entre les agriculteurs sédentaires et les éleveurs nomades. Cependant, la menace devait être plus grave que de petits raids, des escarmouches, pour que, à 25 ans de distance, deux rois aient éprouvé le besoin de bâtir un mur pour protéger leur pays contre les attaques de ces Amorites. Malheureusement, l'archéologie n'a jusqu'à présent pas retrouvé de vestiges de ce mur qui aurait permis de déterminer son emplacement et son tracé. En revanche, en 1998, Bernard Geyer et son équipe du projet Marges Arides ont découvert un mur de ce genre dans les steppes de Syrie occidentale, à l'est de Hama, qui nous permet de mieux comprendre de quoi il pouvait s'agir. Non pas une muraille infranchissable, mais une barrière de séparation en pierre sèche d'une largeur de 80 cm à 1,10 m. Le dispositif semble avoir été complété par des points de passage à intervalles réguliers, permettant de contrôler les allées et venues des nomades et de leurs troupeaux. Ce mur a pu être suivi sur 220 km. Selon les endroits, la pierre utilisée est de nature basaltique ou calcaire, en fonction des ressources locales. Il pourrait avoir été surélevé en terre crue, mais sa faible largeur a fait estimer qu'il ne devait pas dépasser en hauteur 1 mètre à 1,50 m. La date de sa construction n'est pas certaine, car la prospection n'a malheureusement pas pu être complétée par des fouilles. Il semble néanmoins que ce mur ait été édifié à la fin du troisième millénaire, sans qu'on puisse décider s'il remonte à l'époque d'Ebla, c'est-à-dire le 23e siècle, ou s'il est contemporain de la troisième dynastie d'Ur au 21e siècle. Bernard Geyer a insisté sur un point. Je cite, « L'hypothèse la plus plausible est celle d'un mur délimitant le territoire d'une cité et ou d'un royaume, marquant une limite permanente ou saisonnière que doivent respecter les tribus nomades lors de leur déplacement avec leurs troupeaux. » Et il a insisté, je cite à nouveau, « Il convient de rappeler le caractère non défensif et non militaire de ce mur, qui dès lors n'aurait pu avoir qu'un caractère dissuasif, probablement peu convaincant, face à une armée d'invasion. » Par conséquent, le mur des Amorites bâti par les rois d'Ur devait se présenter de manière différente, puisqu'il est clairement destiné à repousser des invasions, et par le fait aussi que la pierre n'était pas disponible dans la plaine mésopotamienne. On a des détails qui sont donnés par la correspondance royale de l'époque, mais les lettres qui nous sont parvenues ne sont pas des originaux. Il s'agit de tablettes recopiées à titre d'exercice dans les écoles au XVIIIe siècle, et l'authenticité de ces documents a été très discutée. Alors, à partir de ces textes, un tracé probable du mur a été proposé qui part de la vallée de la Diyala, qui passe au nord de l'actuel Bagdad et qui protège la rive droite de l'Euphrate jusqu'à la latitude de Babylone. Mais il ne s'agit que d'une hypothèse. Étant donné le caractère incertain des informations issues de la correspondance, on s'est demandé si les archives contemporaines, qui sont très abondantes, ne livraient pas des indices de la construction du mur. La réponse a été généralement négative, mais on doit ajouter que c'est le cas pour la très grande majorité des constructions des rois d'Ur. Cependant, Walter Salaberger a montré qu'aussitôt après l'édification du mur par Schulgi et pendant une douzaine d'années, de nombreux textes comptables enregistraient ce qui est décrit comme butin amorite et qui comprend en particulier des ovins à grosse queue. Il s'agit d'une espèce adaptée à la sécheresse de la steppe, la queue servant de réserve pour la graisse et l'eau, un peu à la manière des bosses des dromadaires. La présence de ce butin pourrait être l'indice que le mur aurait permis un meilleur contrôle des nomades amorites, ainsi que le prélèvement d'une partie de leurs ressources. Pour finir, on doit signaler que ces deux noms d'années sont sans parallèle dans les siècles qui ont précédé et qui ont suivi, et que leur existence même montre l'importance de l'opération. Elle semble avoir été un succès à court terme. On possède en effet la copie d'une inscription de Choucine qui rappelle la construction du mur de cette manière, quand il bâtit le mur des Amorites, nommé qui éloigne les Ditnoum, et fit revenir le pied des Amorites dans leur pays. Je donne ici une traduction en mot à mot, mais l'expression « le pied » peut, selon les contextes, désigner une caravane commerciale ou une expédition militaire. Le roi se vante donc d'avoir, grâce à l'édification de ce mur, fait revenir les Amorites dans leur pays. Il est bien ici question de repousser l'attaque d'envahisseurs. Ce succès ne dura pas. Sous le dernier roi d'Ur, le territoire, contrôlé par Ibicine, se réduisit comme une peau de chagrin. Le coup de grâce fut donné par les Élamites, venus d'Iran, qui se retirèrent aussitôt après leur campagne victorieuse vers 2400. Juste après la disparition du royaume d'Ur, des rois d'origine amorite s'installèrent à Larsa, puis, autour de 1900, dans toute une série de petits royaumes amorites se constituèrent en Mésopotamie, du sud et du centre, et notamment à Babylone, tandis que la haute Mésopotamie paraît presque entièrement amoritisée vers 1800, à l'exception d'Achour. Comment peut-on analyser cette situation? Du point de vue politique, plusieurs dynasties se revendiquèrent explicitement comme d'appartenance amorite. C'est ce que montrent des listes d'ancêtres, notamment ceux évoqués lors des offrandes faites aux morts. On constate que les ancêtres du roi des Kallatoum en haute Mésopotamie, Samsiadou, ou ceux du roi de Babylone, Amitsadouka, sont identiques. Parmi eux figure Ditanoum, qu'il faut manifestement comprendre comme l'ancêtre éponyme de la tribu amorite des Ditnoum que nous avons rencontré tout à l'heure. Dans leur titulature, certains rois revendiquent explicitement leur appartenance tribale. C'est ainsi que plusieurs rois d'Uruk se sont proclamés rois d'Uruk, rois d'Amnanoum. Ils se définissaient à la fois comme souverains d'une des plus vieilles cités sumériennes, Uruk, et comme chef d'une des tribus amorites bien connues. De son côté, le roi de Mari, Yardounlim, est défini comme roi de Mari et du pays des Simalites, ces derniers constituant un des plus importants groupes tribaux amorites. Dans une civilisation où on s'oriente au sens propre, c'est-à-dire en ayant en face de soi non pas le nord comme nous, ce qui est tout à fait illogique, mais on s'oriente avec l'Orient devant soi, eh bien les Yaminites, c'étaient les fils de la droite, c'est-à-dire les gens du sud, alors que les Simalites étaient les fils de la gauche, c'est-à-dire les gens du nord, sans qu'on sache à quel moment cette séparation entre ces deux grands groupes amorites se produisit, ni comment d'autres tribus se comprenaient par rapport à cette dualité. Que la population en Mésopotamie, après 2000 avant Jésus-Christ, ait été constituée de deux groupes, les Acadiens et les Amorites, semble indéniable. Alors que les Acadiens étaient présents depuis le milieu du troisième millénaire au moins, les Amorites faisaient figure de nouveaux venus. On voit ça clairement à Eshnouna, juste après la chute d'Ur, avec la permanence d'épisodes hostiles entre Amorites et habitants des villes de ce royaume. Par exemple, un correspondant alerte un voisin sur un danger imminent. « Zirada a pris 2000 Amorites et il marche contre toi. C'est urgent, ne fais aucun travail, mais que pendant la nuit et à l'heure de la sieste, la garde ne descende pas du mur. » Une autre lettre tente au contraire de rassurer le roi d'Eshnouna sur la situation dans la ville où se trouvait l'expéditeur. La troupe va bien, la ville va bien, la garnison de Monseigneur est forte. Même si les Amorites faisaient la guerre pendant 10 ans et s'ils apportaient 10 béliers, 10 tours de siège et 20 échelles de siège, je resterai fort dans ma ville, que Monseigneur ne s'inquiète pas. L'insistance même de cette missive montre bien la dangerosité des troupes amorites et la crainte que suscitait leur approche. Dans ces contextes, les amorites sont décrits comme des éléments hétérogènes et hostiles. Mais quelques décennies plus tard, leur intégration est visible. On voit le fils du principal chef amorite de la région épouser la fille du roi des Shtuna, tandis qu'à l'inverse, un prince des Shtuna épousait la fille du même chef amorite. Et on peut penser que ces intermariages ne se limitèrent pas aux membres des familles royales. Cependant, deux siècles plus tard, on décrivait encore le roi de Mari Zimrilim comme roi des Acadiens et des Amorites. Et au milieu du XVIIe siècle, l'édit du roi de Babylone Amitsadouka mentionnait encore comme une dualité acadien ou amorite dans plusieurs paragraphes comme celui-ci, quiconque a prêté du grain ou de l'argent à un acadien ou à un amorite, selon une formule qui manifestement veut dire à n'importe quel habitant, quelle que soit son origine. Alors nous savons que cet édit recopie des textes plus anciens, dont l'original doit remonter au milieu du XVIIIe siècle, ce qui signifie que la dualité de la population s'était peut-être atténuée par la suite, mais elle était encore ressentie comme telle au milieu du XVIIIe siècle. Et cela s'explique avant tout pour des raisons linguistiques. Les habitants de la Mésopotamie parlaient, depuis la fin du troisième millénaire, l'acadien, le sumérien n'étant plus qu'une langue savante et religieuse. Les amorites, quant à eux, parlaient une autre langue sémitique, explicitement décrite comme amorite, et distinguée de l'acadien, comme le montre cette description d'un messager trilingue, dont on dit « cet homme maîtrise la langue des Acadiens, des Amorites et des Soubariens ». Il est ici question de parler ces trois langues, mais l'amorite ne fut jamais mis par écrit, malheureusement. Nous ne connaissons l'amorite que par des noms propres et quelques dizaines de termes techniques. À titre de comparaison, j'évoquerai le cas de la Corse. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, le corse était parlé dans l'île avec des variantes locales, mais jamais écrit. C'est seulement l'italien, plus précisément le toscan, qui était la langue écrite. Bien, mutatis mutandis, il en allait de même dans la Mésopotamie du début du deuxième millénaire. La seule langue écrite était l'acadien, qui était par ailleurs parlé par de nombreux habitants. Et l'existence de bilingues parlant à la fois l'acadien et l'amorite est attestée, même s'il nous est impossible de dire quelle était la proportion de la population qui était bilingue. Par ailleurs, il est juste de dire qu'il ne faut pas confondre genre de vie et appartenance ethno-linguistique. Il n'empêche que les exemples clairs où la maîtrise de la langue amorite est jugée indispensable par les responsables au début du XVIIIe siècle ont trait au contact avec les nomades, qu'il s'agisse de discuter avec un chef yaménite de la région des boucles de l'Euphrate ou des nomades à recenser au cœur du triangle du Habour. Donc dans ces cas-là, les nomades ne comprennent que l'amorite et ne comprennent pas l'acadien, d'où la nécessité de savoir parler aussi l'amorite. Alors comment se passait la cohabitation entre acadiens et amorites au milieu du XVIIIe siècle? On a d'un côté des descriptions très négatives des amorites dans la littérature sumérienne. Je me limiterai aujourd'hui à une seule citation. « Maintenant, leurs mains sont destructrices, leurs traits sont ceux de singes », c'est restitué d'après un parallèle, « ils mangent le tabou du dieu Nana, ils n'ont pas de crainte, dans leurs déplacements constants, il n'y a qu'une, étant l'abomination des dieux, leur raison est confuse, ils ne causent que des troubles, un peuple vêtu de sacs en cuir qui vit sous une tente, frappé par le vent et la pluie, qui ne fait pas de prière, qui habite les montagnes, qui ne connaît pas les places des dieux, un peuple qui déterre des truffes au pied des montagnes, qui ne sait pas plier le genou, qui mange de la viande crue, qui de son vivant n'a pas de maison et à sa mort ne sera pas enterré. » Alors un bel exemple du mépris de l'autre qui se manifeste ici par des observations en matière de pratiques religieuses, de modes de vie, de coutumes vestimentaires et alimentaires. Mais je voudrais souligner que ces stéréotypes remontent en fait à la fin du troisième millénaire. Et on a bien l'impression de descriptions traditionnelles, indéfiniment recopiées dans les écoles, un bel exemple de décalage entre les représentations et les réalités contemporaines. Et de fait, les archives de Marie, qui sont constituées avant tout de lettres, et non pas de textes scolaires, nous montrent une image bien différente. Les relations entre nomades et sédentaires se vivaient le plus souvent sur un mode apaisé. La population d'alors était répartie en deux catégories, d'une part les habitants des villes et des villages, et d'autre part les gens qui parcouraient la steppe. Donc un cas de ce qu'on peut appeler en sociologie du dimorphisme, avec comme définition classique de cette situation l'opposition entre deux segments qui sont socialement hétérogènes mais économiquement complémentaires, les éleveurs donnant notamment la laine en échange du grain des agriculteurs. Mais dans le cas que Marie nous documente, la coupure peut passer à l'intérieur même de l'organisation clanique. On a une partie des membres qui cultivent des champs dans un village, tandis qu'une autre parcourt les territoires de pâture avec ses troupeaux d'ovins. Donc l'hétérogénéité sociale n'existe que du point de vue du mode de vie et pas du point de vue de l'appartenance tribale. Si on tente un bilan, on voit donc que dans le premier tiers du deuxième millénaire, les nomades d'origine amorite vivaient largement en symbiose avec les sédentaires, que ceux-ci fussent d'origine acadienne ou qu'ils soient des amorites sédentarisés, et peu à peu s'élabora dans l'ensemble du Proche-Orient, des rives de la Méditerranée jusqu'au golfe arabo-persique, une culture mixte. Certes, son expression écrite resta acadienne, mais dès qu'on aborde d'autres domaines culturels, comme la musique, on voit l'influence des traditions amorites, comme l'a bien montré Nelle Ziegler. Si nous revenons maintenant à notre point de départ, la construction du mur par les rois d'Our se pose donc la question de ce qu'on appelle traditionnellement les invasions amorites. Quelle était la région d'où venaient les Amorites et pourquoi ont-ils constitué au XXIe siècle une menace contre le pays de Sumer? Le récit traditionnel des assyriologues repose sur plusieurs éléments. Le premier tient à l'étymologie du nom même des Amorites. Le terme qui les désigne sert en effet à noter un point cardinal, à savoir l'Ouest. Et par ailleurs, les sources du XXIVe siècle mentionnent à plusieurs reprises le Djebel Bishri, comme le lieu d'affrontement entre les rois d'Akkad et les Amorites, d'où l'idée que les Amorites seraient venus de l'ouest, descendant la vallée de l'Euphrate et se heurtant au royaume d'Our, là où les cours de l'Euphrate et du Tigre se rapprochent au niveau de l'actuel Bagdad. Pourquoi les Amorites se seraient-ils mis en route? Les facteurs évoqués traditionnellement sont multiples. On évoque bien sûr la démographie, qui aurait produit un trop-plein de population par rapport aux ressources. Les changements climatiques sont également mis à contribution, mais les recherches récentes n'ont pas permis de caractériser un épisode particulièrement sec qui aurait privé les nomades de leur pâturage traditionnel. Et enfin, à juste titre, on a mis l'accent sur l'affaiblissement interne du royaume d'Our, où la première expérience de centralisme bureaucratique a fini de manière catastrophique. Récemment, Piotr Michalowski s'est livré à une déconstruction de ce récit. À vrai dire, il n'est pas le premier. Avec la découverte des archives de Marie, notre connaissance des nomades, je l'ai dit, s'est accrue de manière considérable et dès les années 1950, Jean-Robert Cooper avait mis en garde contre une lecture simpliste des vagues migratoires en Mésopotamie. Il fustigea la représentation alors dominante de l'histoire du Proche-Orient qui aurait été rythmée par quatre vagues d'invasions sémitiques, celle des Acadiens au milieu du troisième millénaire, celle des Amorites vers 2000, celle des Araméens 1000 ans plus tard et finalement celle des Arabes à partir du 7e siècle de notre ère. Et il l'écrivait, en réalité, à la base de cette conception schématique se trouve l'invasion islamique que l'on a projetée, pour ainsi dire, dans les périodes antérieures. C'est à la seule image de l'expansion de l'islam que l'on sait représenter les migrations successives des sémites. Il y a là une grave erreur de méthode qui a faussé notre perspective. Michalowski, quant à lui, n'a pas eu tort de rappeler que les discussions mélangeaient souvent des notions différentes. L'identité ethno-linguistique, d'une part, l'organisation tribale, d'autre part, et, pour finir, le genre de vie nomade ou sédentaire. Mais une fois cette déclaration de méthode énoncée, l'analyse des données n'est pas toujours évidente. Prenons un terme central dans les archives de Marie, celui de « Hana » ou « Hanoum ». Eh bien, certains ont cru qu'il s'agissait de la région autour de la ville de Terka, au nord de Marie. Jean-Marie Durand et moi-même avions pensé, il y a une trentaine d'années, qu'il s'agissait d'une désignation ethnique, avant de conclure que le mot décrit le genre de vie des nomades, ceux qui vivent sous la tente. Et quand Michalowski fustige l'emploi du terme bédouin pour tenter de traduire le terme de Hanoum, il prend le risque de la paralysie, car à ce compte-là, traduire « charoum » par « roi », c'est bien dangereux, vu le risque d'association anachronique que l'emploi d'un tel mot comporte. Après tout, le roi Zimrilim de Marie avait sans doute peu de choses à voir avec notre Louis XIV, et pourtant, il faut bien traduire. Michalowski a eu raison de souligner que les Amorites qui ont été en contact avec le royaume d'Ur étaient pour la plupart situés dans la vallée de la Diyala, donc au nord-est et pas à l'ouest. Mais cela ne nous indique pas leur origine ultime. Son souci majeur a été de minimiser l'importance des Amorites à l'époque d'Ur III. Selon lui, il n'y eut guère d'infiltration et le rôle joué par les Amorites dans la chute du royaume d'Ur a été mineur. Alors, si on fait un parallèle avec la situation actuelle de notre pays, eh bien, il est clair que l'ampleur des discussions est sans commune mesure avec le nombre de migrants effectivement accueillis en France, et on peut se dire qu'un historien futur qui analyserait cette situation pourrait en conclure que la vague migratoire en Europe autour de 2015 est un mythe. Mais il ne faut pas oublier que notre voisin, l'Allemagne, a accueilli environ 1 million de personnes. Donc il y a quand même une certaine réalité. Ce n'est pas une vague qui a submergé, mais 1 million, ce n'est pas non plus un nombre négligeable. Donc c'est toujours la question de savoir, quand on dit « pas de grande vague », qu'est-ce qu'on entend et quelles sont les conséquences. Et lorsque Michalowski a refusé, par exemple, de prendre en considération le titre de chef amorite, Rabian Amourim, que prenaient les rois de Larsa au début du deuxième millénaire, il me semble nier l'évidence, c'est-à-dire l'arrivée d'un certain nombre, qu'on ne peut pas quantifier malheureusement, d'un certain nombre d'Amorites dans le sud de l'Irak vers 2000. Michalowski reconnaît par ailleurs qu'il y a eu, aux alentours de 1900, la création d'un grand nombre de petits royaumes dont les souverains sont clairement d'ascendance amorite. Or, on ne voit pas, à cette époque qui est beaucoup mieux connue que l'an 2000, de grands mouvements de population à ce moment. Et donc, il semble qu'on ait affaire à la prise de pouvoir par des chefs d'origine amorite qui appartenaient à des groupes présents en Mésopotamie depuis des décennies et que l'affaiblissement du royaume d'Issin, qui avait succédé à celui d'Ur, a conduit à s'installer dans toute une série de villes, Sippar, Babylone, Kish, Kisoura, Uruk, etc. Donc ça n'est pas immédiatement après 2000 que les Amorites ont pris le pouvoir, Larsa constituant à cet égard une exception. Et le même phénomène eut lieu à peu près au même moment dans la vallée de la Diyala, où se multiplièrent de tout petits royaumes dirigés par des dynastes amorites au détriment des Chnouna. Au total, avec le mur des Amorites, édifié par les rois d'Ur, on a affaire à l'exemple le plus ancien d'édification d'un mur dans le but explicite de repousser des migrants. Et on voit que le succès à court terme de l'entreprise ne dura guère et que la Mésopotamie fut bel et bien en partie amoritisée dans les siècles qui suivirent. Contrairement aux hantises de certains lettrés sumériens, les nouveaux arrivants ne se livrèrent pas au pillage et la civilisation mésopotamienne ne disparut nullement sous leur coup. Elle fut au contraire enrichie par cet apport, comme le montre par exemple le développement sans précédent de la littérature akkadienne qui eut lieu à l'heure. Je vous remercie de votre attention. La rediffusion du 6 décembre 2016 qui lance la série Migration, réfugiés, exil. Vous avez pu écouter les contributions du paléanthropologue Jean-Jacques Hublin et de l'assyriologue Dominique Charpin. Le 10 décembre 2018 est organisée au Collège de France la réunion du JMA, groupe international d'experts sur les migrations et l'asile, sur le thème « Comment articuler sciences sociales et politiques migratoires ». Et je vous recommande également le site de l'Institut Convergence Migration et ses nombreuses informations sur le sujet. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations, les vidéos et la bibliographie liées à cette diffusion. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie du biologiste Luis Quintana Murci, directeur scientifique de l'Institut Pasteur, et en deuxième partie avec Stanislas Dehaene, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale au Collège de France. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.